tu les mets les séquences, tu les mets où? Dans le Z. je sais, sur cette terre, je me pose souvent la question. Alors je danse et bricole. Merde, j'arrive pas à le faire. Putain, j'arrive pas à chanter. Accompagne des villes en ville, des cœurs. Toutes les couleurs.